J'entends cogner mon cœur dans 73. Je pourrais t'embrasser. Pour vendredi, j'ai tout organisé. Et dans une voiture à 100 mètres du mur, dans rue Tower Alley, Lily et moi, nous viendrons vous chercher.